vois, c'est quoi le tempo? 110 ou... C'est pas ça. À combien là? C'est pas 110 ça. Ah ouais, non, d'accord, j'avais pas vu. J'avais pas vu que t'avais bien voulu changer le tempo. Ça va être 110 du coup, mais c'est parce que j'avais. On est à combien de tempo? I'm sorry. Et pourquoi ça marche plus ça? Regarde, hop, ça va être 110. Bah oui. 110. Moi je suis. Mais oui. Non, mais il est pas changé, je crois. Non, non. Il est à 125. Je sais pas. 110. Tu vois? Ah, ça y est. Ah merde. Je le refais encore. Ah. Mais ça synchronise pas mon nouveau synthé là. C'est bon, 110. C'est quoi? Ah, j'ai compris pourquoi ça synchronise pas. Arturia. Arturia. Arturia. Putain, j'écris en majuscule. Je suis désolé, c'est mon clavier qui est mort. Au mini brut. Ouais, ça marche pas bien. Mini brut. Mi mineur, du coup. La basse. Ça marche bien, ouais, il est cool. Ça marche le truc. Thank you. c'est un. Qu'est-ce que c'est ? OBX. OBX. Obelix. OBX. Jean-Michel Jarre sort de ce corps. Basique. Salut Jean-Pierre, est-ce que tu vas bien, Jean-Pierre? Salut Jean-Pierre, est-ce que tu vas bien, Jean-Pierre? Ouais, ce son. Thank you. j'essaye des sons, mais je sais pas, c'est quoi ce bordel. Nino, on vous entend pas.